Merci d'être toujours fidèle à notre série Les Mérovingiens, Grandeur et Décadence. Alors, nous avions parlé de la façon d'entrer dans la fonction royale qu'avaient les jeunes Mérovingiens, à travers l'exemple donc de Clovis II, mais aussi de Childebert, son prédécesseur. Nous avons vu que ça se faisait en plusieurs étapes. Et maintenant, nous nous intéressons très exactement au règne donc, de Clovis II et comment, pendant ce règne, il y a eu un véritable changement de rapport de force. Le règne, en effet, de Clovis II commence plutôt à la faveur des Mérovingiens. Les traditions sont respectées. La légitimité royale n'est pas remise en question. Clovis II est un enfant, il a 4 ans. Et donc, Nantilde s'appuie, pour pouvoir exercer sa régence, s'appuie sur l'assistance efficace du maire du palais, Éga. Un homme d'appareil, un apparatchik, comme on dirait aujourd'hui. Donc, Éga est le maire du palais de Neustrie, et il était déjà en fonction à l'époque de Dagobert. Il est présenté par les partisans des Carolingiens comme un intrigant assoiffé de pouvoir. Mais d'autres chroniqueurs, quand même, le considèrent comme un homme probe et accessible, quoiqu'un peu avare. Donc, on a un peu deux sons de cloche concernant ce maire du palais Éga. En tout cas, sa nomination a lieu en même temps environ que l'éloignement, disons sa confirmation en poste, au moment justement où Clovis devient effectivement, enfin, roi, monte sur le trône. Eh bien, a lieu en même temps que l'éloignement des célèbres et considérables ministres de Dagobert, que furent Éloi et Ouin, tous les deux nommés évêques. Alors, c'est un éloignement, mais qui est plus un éloignement promotion, donc personne ne perd la face, et c'est même finalement, c'est un deal, un win-win, gagnant. C'est gagnant pour les deux parties, puisque devenir évêque pour Éloi et pour Ouin, c'est à la fois répondre à un désir personnel profond. Éloi mourra en odeur de sainteté et sera connu ensuite comme étant le fameux Saint Éloi. En tant qu'évêque, il fera un travail remarquable d'ailleurs de conversion des Flamands, enfin des habitants de Flandre à l'époque, ce n'est pas encore des Flamands. Ouin sera aussi, donc mourra aussi en odeur de sainteté, sous le nom avec le nom de Saint Ouin. Et sera évêque de Rouen, un évêque efficace qui fera véritablement des miracles dans cette région qui est encore malheureusement très païenne, la Normandie. Alors, on peut aussi se demander si cet éloignement finalement ne favorise pas les intérêts de Éga, qui se sentait peut-être un tout petit peu, disons, limité dans son pouvoir de faire ce qu'il voulait par ces deux personnalités considérables, qui avaient été d'ailleurs nommées directement par le roi Dagobert, donc sur lesquelles Éga ne pouvait pas exercer un pseudo-pouvoir hiérarchique comme d'autres maires du palais s'étaient déjà permis de le faire. Alors, en tout cas, à partir de cette date, donc à partir de l'accession au trône de Clovis II, le Éga va pouvoir exercer sa fonction de maire du palais sans rival, sans partage aussi, avant que malheureusement une fièvre quinte, alors je ne sais pas exactement ce que c'est qu'une fièvre quinte, ne l'emporte donc 3 ans plus tard, en 641. Et il est remplacé assez rapidement d'ailleurs par un certain Erchinoald, en français moderne c'est Archambault, et qui est un parent en réalité de Bertrude, la mère de Dagobert. Donc on vient trouver quelqu'un de compétent et de fiable dans la famille même de Dagobert, donc un mérovingien dans une certaine mesure. Là-dessus, on reste finalement assez prudent. Alors, ce Archambault, d'ailleurs, est un homme tout à fait compétent. Alors, par contre, du côté austrasien, les choses sont un peu différentes. À la même date, sous la pression peut-être justement des grands du royaume d'Austrasie, Nantilde se voit un peu obligé Alors, est-ce que c'est Nantil qui est obligé de le faire? Mais c'est probable. Donc, Nantil se voit obligé de nommer à nouveau le fameux Pépin de Landen, qui avait été écarté de la mairie du palais pour être remplacé par son neveu Adalgisel, qui n'avait pas beaucoup de charisme et qui était donc plus malléable. Et sous la pression, en réalité, de la cour d'Austrasie, eh bien, Nantilde réintègre Pépin de Landen dans ses fonctions de maire du palais. Donc, on voit déjà, finalement, les Pipinides qui essaient de secouer le joug, en réalité, des Mérovingiens. Mais Pépin de Landen, on le sait aussi, est un homme en odeur de sainteté, un homme tout à fait remarquable, qui n'a jamais remis en question, d'ailleurs, la légalité. N'a jamais remis en question la légitimité des rois mérovingiens, et d'ailleurs va mourir un an plus tard, donc en 642, d'ailleurs en odeur de sainteté, et sera remplacé par son fils Grimoald, qui lui, par contre, n'aura pas cette aspiration à la sainteté qu'avait son père. Alors. Oui, parce qu'on pourrait dire même que Grimoald est un fils indigne de Pépin de Landen. Enfin, les Bourguignons, contrairement à leur habitude, demandent aussi un maire du palais. Donc il y a aussi des volontés d'indépendance du côté de la Bourgogne. C'est peut-être la conséquence tout simplement que maintenant, depuis Clotaire II, il y a un véritable affaiblissement du pouvoir central au profit des puissances locales, et donc les grands du royaume de Bourgogne veulent gérer finalement leur royaume comme ils l'entendent et souhaitent avoir un maire du palais, être reconnus finalement dans leurs différences. Conséquence, alors est-ce que Nantil se déplace à Dijon pour désigner le fameux donc Flavade qui sera le maire du palais de Bourgogne, ou est-ce qu'elle se déplace à Orléans? Ça, c'est difficile à savoir. Et aussi, l'autre question, c'est pourquoi est-ce qu'elle nomme Flavade? Alors, certains disent c'est parce que c'est son amant, ou parce qu'il lui a été conseillé par Archambault. On sait que Flavade s'entendra très bien avec Archambault. Les deux s'entendent extrêmement bien. Et puis, on sait aussi que Flavade est un bourguignon, mais qui n'est pas un bourguignon qui tient les Austrasiens dans son cœur, en haute estime. Donc c'est un bourguignon plutôt favorable aux intérêts neustriens. Alors, à peine investi dans ses nouvelles fonctions, Flavade va entrer en guerre contre un représentant bien installé de la vieille aristocratie bourguignonne, allié des Romains à l'époque de l'Empire, le patrice Willibald. Donc, Alors, c'est peut-être pour prouver son allégeance à Nantilde, mais c'est un peu la caractéristique de sa fonction. Donc, il va se battre contre cet homme. Quelle est la raison de cette haine farouche? Difficile de savoir. Les chroniqueurs prétendent que cette animosité serait purement personnelle. En tout cas, elle a tous les airs, elle a tout l'air d'être personnelle. Elle daterait de bien avant l'accession de Flavade à la mairie du palais. Mais aussi, sur un plan politique, on peut se demander si Flavade a raison de se méfier de cette aristocratie très puissante, de sang mêlé, c'est-à-dire un sang à la fois franc ou gothique et gallo-romain, parce que donc Willibald avait aussi du sang gallo-romain, susceptible de faire alliance avec les ennemis du Regnum Francorum. Il avait déjà prouvé dans le passé, donc il avait des raisons de se méfier. Est-ce que Flavade voit en Willibald un soutien des Pipinides? Ça aussi, c'est très probable. Et Willibald est sûrement, non pas un soutien des Pipinides, mais en tout cas, soutient les Pipinides quand ça rentre dans ses intérêts. Donc, en tout cas, deux batailles puis un duel ordalique auront raison de ces deux ennemis irréconciliables, qui vont donc mourir à 11 jours d'intervalle. Donc, c'est pas très brillant. Archambault devient alors maire du palais de Bourgogne et les revendications particularistes des Bourguignons s'inclinent devant la compétence et la sagesse du nouveau maire du palais. Mais nous allons voir ça dans le prochain podcast. Merci et à bientôt.